tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan Les meilleures équipes, The Champions, The Masters, The Best, les meilleures équipes, The Champions. Et bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue sur Radio Galère une nouvelle fois pour Débattons d'Anguirou, l'émission culturo-footballistique, on l'appellera comme ça, qui sera ce soir consacrée au foot et aux bâtards. Alors, que pousse, vous dites-vous, chers auditeurs, le dispositif des BDGR à creuser un tel sujet, les bâtards du football ? Bien, pour vous répondre simplement, d'abord, car le dispositif ne renonce devant aucune absurdité ni aucune difficulté, et ensuite, car ce mot aux multiples facettes s'associe souvent à notre sport favori, tantôt pour interpeller l'arbitre depuis les tribunes, tantôt pour donner son point de vue sur un autre joueur, tantôt pour signifier son désaccord à un supporter adverse. Ce terme « bâtard » fuse régulièrement sur les pelouses et dans les travées des stades. Et puis, si cela ne suffisait pas à titiller la rédaction de Débattons d'Anguirou, qui pourrait être ce soir rebaptisé peut-être Débattards d'Anguirou, le double exacerbé et couché sur le papier de Jérôme Bertin, prénommé lui-même Bâtard, revient ces temps-ci en librairie avec Bâtard le retour, toujours publié chez Aldante. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Manu. Comment allez-vous ? Bah écoutez, ça va. Le succès de Bâtard le retour est tonitruant. Tonitruant, on parle de plusieurs milliers d'exemplaires vendus. Il y a des fans qui m'attendent à l'entrée de chez moi et j'ai une nouvelle voiture. Une voiture de... On ne citera pas la marque, mais on sait que c'est un cabriolet, hein, a priori. Un cabriolet, voilà. Inspiré de Cristiano Ronaldo, il s'est vendu en voiture. Nous devions avoir de nombreux autres invités. Non, nous devions en avoir un autre, Samuel Rochery, qui malheureusement devait nous accompagner comme conseiller linguistique, on va dire, ce soir. Et il fait forfait, voilà, pour raison de santé. Et puis pour le reste du dispositif, chères auditrices, chers auditeurs, il va falloir vous habituer à n'entendre, en plus de la voix de Jérôme Bertin, que la mienne ce soir, puisque nos amis Brett, nos amis Magic, nos amis Dundee, ou bien encore nos amis Coach et Doc ne sont pas présents. Quoique, nous entendrons au cours de cette émission la traditionnelle croquine du coach qui nous a été envoyé dans la boîte aux lettres de Radio Galère. On l'entendra en fin d'émission. Et puis, normalement, nous devrions aussi entendre le docteur depuis sa région de villégiature. Il est parti en vacances, le docteur. Et sa chronique, à lui, devrait, elle aussi, avoir lieu. En tout cas, cette émission Foot Bâtard va commencer par le dictionnaire. Jérôme, la définition du dictionnaire dans le Larousse, c'est celle que j'ai pris. J'aurais préféré le Robert, mais je ne l'avais pas sous la main. Est celle-ci, née hors du mariage, et entre parenthèses, souvent péjoratif. Ça me paraît un peu léger comme définition. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un peu léger, même si c'est assez proche de la réalité. Mais ouais, c'est un peu léger, je sais pas. C'est un peu light, on va essayer ce soir de d'étoffer cette définition et surtout de la rendre un petit peu footballistique, puisque c'est le but de Débattons d'Anguirou. Alors, pour cela, je vais vous faire écouter un petit son d'un humoriste malheureusement disparu. Je dis malheureusement, c'est pas souvent le cas pour les humoristes. Raymond Barre ? Ce n'est pas Raymond Barre, vous allez voir. C'est un humoriste disparu, je crois, dans les années 80, qui a écrit un pamphlet anti-football et qui utilise le mot bâtard à un moment donné. Je vous laisse écouter. Wah, wah, wah, wah, wah. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. Voici bientôt 4 longues semaines que les gens normaux, j'entends les gens issus de la norme, avec 2 bras et 2 jambes pour signifier qu'ils existent, subissent à longueur d'antenne les dégradantes contorsions manchottes des hordes encalçonnées sudoripares qui se disputent sur gazon l'honneur minuscule d'être les champions de la balle au pied. Voilà bien la différence entre le singe et le footballeur. Le premier a trop de mains ou pas assez de pieds pour s'abaisser à jouer au football. Le football, quel sport est plus laid, plus balourd et moins gracieux que le football? Quelle harmonie, quelle élégance l'esthète de base pourrait-il bien découvrir dans les trottinements pataux de 22 handicapés velus qui poussent des balles comme on pousse un étron en haranant des râles vulgaires de bœufs éteints? Quel bâtard en rut de quel corneau branlé oserait manifester publiquement sa libido en s'enlaçant frénétiquement comme ils le font par paquets d'huit à grands coups de pattes grasses et mouillées en ululant des gutturalités simiesques à choquer un rockeur d'usine? Quel brute glacé, quel monstre décérébré de quel ordre noir oserait rire sur des cadavres comme nous le vîmes en vérité certains soirs du Hazel où vos idoles, calamiteux goalistes extatiques, ont exulté de joie folle au milieu de 40 morts piétinés, tout ça parce que la baballe était dans les bois. Je vous hais, footballeur, vous ne m'avez fait vibrer qu'une fois, le jour où j'ai appris que vous aviez attrapé la chiasse mexicaine en suçant des frites aztèques. J'eusse aimé que les amibes vous coupassent les pattes jusqu'à la fin du tournoi, mais Dieu n'a pas voulu. Ça ne m'a pas surpris de sa part, il est des vôtres. Il est comme vous, il est partout, tout le temps, quoi qu'on fasse et où qu'on se planque, on ne peut y échapper. Quand j'étais petit garçon, je me suis cru longtemps anormal. On me disait « à la fille », ou bien « tiens, il est malade ». Tellement l'idée d'anormalité est solidement solidaire de la non-footballité. Je vous emmerde, je n'ai jamais été malade. Quant à la féminité que vous subodoriez, elle est toujours en moi et me pousse, au temps chaud, à rechercher la compagnie des femmes, y compris celle des vôtres, que je ne rechigne pas à culbuter quand vous vibrez au stade. Quel bâtard en rut oserait manifester publiquement sa libido? Voilà comment Pierre Desproges, vous l'avez tous reconnu, chères auditrices, chers auditeurs, et vous-même, Jérôme Bertin, utilise le mot bâtard dans son pamphlet anti-football. Ouais, son pamphlet anti-football, il est assez rigolo. Il est assez simpliste aussi. Parce qu'on sait que le foot, c'est quelque chose d'autre que de pousser la balle dans le filet. C'est une danse, un combat, etc. Mais bon, c'est Desproges, alors... Alors on l'excuse. Alors on l'excuse. Ouais, c'est tout à fait ça. Enfin, ce mot bâtard, je l'ai trouvé aussi dans une interview du bon, du vieux Souleymane Diawara. Un joueur dont vous allez nous parler juste après. Je vais juste vous lire, vous allez voir. C'était du temps où il était à Bordeaux. Ah. Ah, il a été champion avec les deux, avec l'OM et avec Bordeaux. Alors là, et avec les Ragondins de Tourteau. Voilà, je vous dois une tournée, puisque je me suis moi-même pris à mon propre piège. On n'a pas le droit de prononcer le nom ni de cette ville, ni de ce club pourri. Du coup, Souleymane Diawara dit... Quand j'arrive à la capitale de la Gironde, le premier match, on reçoit Le Mans, le match le plus pourri de ma carrière. Je me dis, bon, j'arrive à la capitale de la Gironde, je viens de Londres, ville qui bouge, là, on calme. Un mois, deux mois, Jean-Louis Gasset, président de ce club de la Gironde, me convoque. Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il y a? T'as changé quelque chose dans ta vie? Je lui explique que je ne fais plus le fou, que je ne sors plus. Alors, sous les conseils de Gasset, Soulet redevient Soulet. Le dimanche, on jouait contre le club de la capitale. Il m'a dit « Je veux que tu reprennes ta vie de bâtard, que tu sois celui qu'on a recruté. » Le jeudi, ça bouge à Bordeaux, c'est étudiant, je sors dans le resto de Lilian Lasland, de la bonne cuisine qui tient bien au corps, bonne ambiance, ça bouge, les femmes. Je rentre à 2h, je dors, je suis KO. Dimanche, on gagne 3-0, je marque. Gasset, à la fin du match, me dit « Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est ça que je veux. » Fallait me le dire avant. Voilà, très belle anecdote de Souleymane Diawara. Très belle anecdote de Souleymane Diawara, qui est un peu spécialiste des très belles anecdotes. Et Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? C'est un footballeur qu'on regrette à Marseille, je pense, puisqu'il avait un esprit de combat qu'on ne retrouve plus à l'OM cette année, avec des mecs comme Rekic ou Rolando, qui sont carrément dedans. C'est un peu un... Voilà, quoi, c'est un patron de la défense, et on n'en a plus. Parce qu'un Koulou n'est pas au niveau non plus... Qu'est-ce que vous pensez de l'OM, de la saison de l'OM? Je pense qu'elle est calamiteuse et je comprends la colère des supporters. Je comprends la façon dont ils l'expriment, contrairement à Pascal Praud. je trouve totalement légitime et j'ai peur que le club prenne un grand coup. Vous pensez qu'il peut faire mieux, par exemple? Je sais pas, oui, je pense même qu'il devrait mettre Passy. Enfin, il devrait faire sauter Mitchell tout de suite parce que ça passe plus, quoi. On a l'impression qu'il n'y a plus de cohésion, qu'il n'y a plus de président, il n'y a plus d'entraîneur, les joueurs ne sont pas motivés. Enfin, vraiment, il faudrait faire un mini électrochoc avant la fin de la saison, au moins pour marquer 45-46 points et pas être totalement ridicule. Les places européennes semblent bien loin maintenant. Je vous propose un petit morceau de musique pour continuer cette émission. C'est le groupe Crass, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, bien sûr. Un groupe de punk anglais. Groupe phare des années 80. Voilà, ouais. Qui a écrit ce morceau qui s'appelle Gotcha. Et vous allez le voir, nombreuses fois, le mot bastard est utilisé. On en dira deux mots après pour expliquer pourquoi. C'est parti. Merci. Wah, wah. Gotcha, le groupe Crass, un groupe donc anglais, punk, des années 80, vous me disiez, Jérôme, vous connaissez l'origine de cette chanson ? Non, pas tout. Non, pas alors, tout. Le président, mon président, le mien, c'est un peu le président de tous les présidents aussi, avec qui je mangeais un carpaccio ce midi, m'expliquait que cette fameuse chanson avait été écrite en l'honneur, pas complètement directement, mais en tout cas en l'honneur de Margaret Thatcher et du gouvernement anglais, qui aurait ordonné pendant la guerre des Malouines qu'un bateau argentin soit torpillé alors qu'il faisait pourtant retraite. Tragédie qui a du coup causé la mort de 300 marins militaires argentins, tout simplement en train de battre en retraite et de rentrer chez eux. Donc c'est une très belle histoire. Encore à mettre à l'honneur de la Dame de Fer. Et voilà, ça va nous permettre d'utiliser le mot « bastard » un certain nombre de fois. Alors, dans cette émission « Foot bâtard, des bâtons d'Anguirou » sur Radio Galère, avec vous, Jérôme Bertin, nous allons essayer de définir quels pourraient être les traits de caractère, les émotions, les forces, les faiblesses qui précisent le mot « bâtard ». Et si on se place du point de vue du football, on va voir comment on pourrait y appliquer ce concept. Alors, quelques notions auxquelles je vous propose d'associer des sportifs, pour la plupart, quasi-totalité des footballeurs. Par exemple, l'illégitimité. On a vu que dans la définition, le bâtard était un enfant né hors du mariage. Donc il y a une forme d'illégitimité par rapport à la famille. Et ce personnage de Grégoire Puel, je ne sais pas si vous le connaissez. Est-ce que c'est le fils de Claude Puel ? C'est tout à fait le fils de Claude tout Puel. Tout à fait latéral de Nice. De Nice, oui, exactement. Qui a vécu une carrière niçoise, je ne sais pas si vous la connaissez en détail, mais pour le moins assez calamiteuse, ouais, mais qui continuait d'être... De jouer et d'être titulaire. Parce que c'est son père qui était l'entraîneur, tout simplement. Donc une forme d'illégitimité. Pareil, c'est Ben Arfa est aussi le fils caché de Claude Puel. Il joue tout le temps, et c'est pour ça que Nice va très mal. On sait que Ben Arfa va très mal. C'est de l'humour, bien sûr, parce que Ben Arfa fait une saison magnifique, remarquable. Je crois, avec... Il a marqué un triplé ce week-end. Ouais, encore. Qu'est-ce que vous pensez de ce Grégoire Puel ? Est-ce que vous pensez que c'était vraiment un mauvais joueur de foot ou qu'il était complètement illégitime ou alors il a été un peu aussi mangé par cette pression, la présence du père ? Je sais pas, je n'ai jamais trouvé tellement de qualité, donc en fait, je me suis toujours posé la question sans trop me la poser, puisque je savais que c'était Claude. Puel qui a entraîné Lille avant que je soutienne Lille dans les années 2000 lors de leur titre avec Hazard, Gervinho, Sceaux, j'étais encore lillois. On avait une très belle équipe. C'est vrai, Michael Landreau dans les buts. Ouais, Michael Landreau dans les buts, Moussa Sow en attaque, Kabaïm Mavouba en milieu de terrain, il y avait quand même du monde. Et on avait fait une saison remarquable, on avait gagné la Coupe de France, je me suis comporté en véritable bâtard, j'étais en finale de Coupe de France au Stade de France. Et j'avais une place pourrie, c'est-à-dire que je voyais, c'est très mal fait le Stade de France, tu y allais souvent, je sais pas. Je suis allé une fois. C'est assez pourri, je trouve qu'on voit assez mal, c'est assez mal construit, c'est beaucoup moins bien construit que le Stade que le Vélodrome, c'est peut-être pas un hasard. Et j'avais simulé une crise de spasmophilie pour pouvoir m'asseoir avec les handicapés qui étaient super bien placés. Je le suis un peu, hein, je touche la hache. Et donc, j'ai vécu le but d'Obraniak de la finale 2009-2010, je ne sais plus, contre Paris. Contre... Merde ! Une tournée chacun, mon cher Jérôme. Contre le club d'Ibrahimovic, le club actuel d'Ibrahimovic. Et voilà, donc j'ai assisté à la Coupe de France avec les handicapés, super bien placés, grâce à une simulation. Une simulation, un geste de bâtard footballistique. Tout à fait. On parlera des coups bas juste un peu et des coups en douce un peu plus tard. Mais la deuxième notion que je voulais vous soumettre, c'était la trahison. Ouais. Et là, j'avais envie de vous parler de Mathieu Valbuena et de Karim Benzema. Ah ouais. On en parle, on n'en parle pas. On peut parler de Benzema, je sais pas, quand il était à Lyon, il faisait des trucs. Après, au Real, c'est forcément quand on a Bale et Ronaldo sur les côtés, c'est plus facile. Ça, c'est un ouais, bon entendeur, salut, parce que c'est une discussion que j'ai souvent avec un Pierre, un pote. Et Valbuena, je le déteste. Je trouve que c'est un mec qui avait vraiment du football, mais qui n'a rien dans la tête. Contrairement à Dimitri Payet, qui a fait deux ans, Nantes, Saint-Etienne, Lille, puis Marseille, puis maintenant West Ham, où il brille. Valbuena, c'est les pieds. Et Payet, c'est la tête. C'est le cerveau qui serait descendu dans son pied droit, comme on disait Risto Stoïkov. Disons que Valbuena est un peu un footballeur déprogien. Nah. Ben justement, Dimitri Payet, je voulais vous en parler, parce que pour moi, il incarne aussi un trait de caractère du bâtard, c'est-à-dire le besoin de reconnaissance vis-à-vis de... et notamment en regard de son illégitimité. Et moi, je trouvais que ça marchait avec Dimitri Payet, puisque dernièrement, il a beaucoup revendiqué d'être sélectionné en équipe de France. Mais il est de manière immuable. Je ne pense pas que Ben Arfa puisse rentrer dans le groupe avec Payet. Vous pensez ça normal, du coup, la présence de Payet en équipe oui, de France ? Oui, tout à fait. Il fait ses preuves avec West Ham, il les porte, comme il portait l'OM l'année dernière, avant qu'il s'en aille et que l'OM sombre. Non, je pense vraiment que Payet est un mec bien et qui mérite sa reconnaissance. Et justement, sa place en équipe de France, c'est vraiment un bon meneur de jeu, un vrai 10. Ensuite, je pensais à la honte jetée sur la famille. Le bâtard, généralement, de par son illégitimité, de par sa naissance hors mariage, jette une honte sur la famille. Et là, je pensais à Franck Ribéry ou à John Terry. Moi, je parlerais plus de Franck Ribéry, que je connais plus. John Terry, c'était pour son coup, il s'était tapé la nana d'un de ses coéquipiers, c'est ça ? Tout à fait. Et l'autre, c'était Ribéry. Non, Ribéry... Enfin, justement, si on aborde le problème de ce bâtard par rapport à la famille, c'est quelqu'un qui a apporté énormément de plaisir à sa famille. Et au début, tu te rappelles, en 2006, quand il jouait la Coupe du Monde, c'était le clan Ribéry, etc. Donc, c'est pas un bâtard pour moi. C'est tout le contraire du bâtard. Ribéry. C'est un mec bien, Ribéry, pour moi. C'est bien John, de Terry, John Terry, on s'en fout. C'est un bon défenseur, c'est un très bon défenseur. En plus, Chelsea, moi, à part Eden Hazard, je sauve personne, quoi. C'est vrai, ça, vous le dites dans votre livre, ouais, ouais. D'ailleurs, dans Bâtard, le retour. Le retour de Bâtard, pardon. Alors ensuite, on en parlait, le coup bas ou le coup en douce, trait de caractère du Bâtard aussi. Et là, je pensais à Mitchell, l'entraîneur marseillais actuel, puisqu'on se souvient de sa main baladeuse sur Carlos Valderrama lorsqu'il était joueur. Ah, là, tu me poses une colle, ça m'échappe. Ah ouais, ah, alors, ah, bah, sur un corner. Peut-être quelle année, Manu ? Moi, je suis de 1980. Ah merde, tu es 75, j'ai je devrais m'en rappeler. Oh, bah, Valderrama qui avait des super tifs, ouais. Ça, je m'en rappelle. Ouais, ouais, ouais, et alors sur un corner, Mitchell qui était au marquage. Ah, c'est lui qui lui avait palpé les roubignoles. Les ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Je ne savais pas que c'était Mitchell qui avait fait ça. Je pensais à Mitchell Cuba. Et à Luis Suarez. Je sais que c'est un joueur que vous adorez, mais c'est aussi un peu le roi des Cubas. C'est le roi des Cubas, c'est un tricheur et c'est un bâtard. Ah, c'est un bâtard parce que c'est un joueur qui veut gagner. Et il veut gagner par toutes les façons. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui accepte de tricher. D'ailleurs, il avait fait une pub débile. Je ne sais pas si tu l'as vu sur YouTube. Non. Et il accepte totalement cette image de simulateur, de tricheur. C'est un tricheur, c'est quelqu'un qui veut gagner. Le bâtard pourrait aussi être un peu remarqué par une fidélité un petit peu exacerbée envers la figure paternelle. Fidélité qui serait souvent mal récompensée, finalement, du fait de son statut de bâtard. Et là, je pensais à Michael Landreau et à Vikash Dorasso, les deux poulains de Raymond Domenech, qui ont pourtant été sacrifiés sur l'autel. Exact. Dorasso, peut-être pour des problèmes privés abjects, enfin, avec des réactions abjectes des autres. Et Landreau, il était barré par qui à l'époque ? Coupé et Barthez ? Oui, et puis je crois que le gardien remplaçant, le troisième gardien... C'était Carasso, non ? C'était je sais plus, en fait. Carasso ou... Je sais plus. Ouais, mais plus. Landreau, il a fait une belle carrière. C'est plus un mec de club, je pense, qu'un international. Bah, c'est probable, en tout cas. L'été, Balmont à Lille. Ou... Tout à fait. À l'inverse, la figure maternelle du bâtard est souvent très ambitieuse puisqu'elle va vouloir revendiquer une place pour son petit. Et là, je pensais à Benjamin Rabiot, joueur de la capitale. Et aussi, là du coup, on sort du football, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, à Martina Hingis. Non, Martina Hingis, c'est plus mon truc, mais c'est moins mon truc. Mais ouais, c'était qui le joueur ? Benjamin Rabiot. Benjamin Rabiot, bah il s'appelle Benjamin. Je suis pas sûr en fait. C'est pas Benjamin. Hein. Bon, Rabiot, en tout cas. Bon, d'accord. Rabiot, ouais, je trouve que c'est un très beau joueur. Ouais. Il est assez prometteur. Bon, il est doublé par Verratti, mais c'est normal. Verratti appréhende une grande carrière, quoi. Et mais Rabiot est très élégant. Je trouve très beau personnellement. C'est plutôt un truc d'élégance. C'est vrai. Très élégant sur le terrain, comme peuvent l'être Pogba, ou avec moins de qualité que Pogba. Mais il est très beau à voir jouer. Selon vous, Jérôme Bertin, qui est-ce qui incarnerait, en dehors de tous les exemples que je vous ai soumis, le mieux le concept de bâtard du football ? Suarez. C'est Suarez pour vous. Un joueur que vous adorez. J'ai envie de savoir complètement pourquoi. Oh, parce que c'est le meilleur buteur devant Agüero. Je pense que c'est le meilleur buteur du monde. C'est pas un hasard si, contrairement à Ibrahimovic, contrairement à David Villa, il a réussi au FC Barcelone. Réussi à gérer avec l'ego de Messi, avec le talent de Messi, avec l'ego de Neymar, avec le talent de Neymar. C'est vraiment quelqu'un de fantastique. Quand il était à Liverpool, il a marqué, je sais pas, 32 buts en 25 matchs, 30 matchs, je sais plus, c'était énorme. Il a des statistiques énormes. Et c'est sa précision, c'est la manière dont il va tromper le gardien. C'est quelqu'un qui sait où il met la balle, et c'est rare chez les attaquants. Souvent, il frappe fort, il frappe, il croise. Lui, il fait toujours, enfin toujours non malheureusement, mais presque toujours le geste parfait. Et c'est un bâtard parce qu'il veut gagner. Ah oui, on se souvient de ce geste incroyable. Les morsures. Alors moi, je me souviens plus d'un autre geste. Les morsures, ça me semble un peu plus anecdotique. C'est rigolo. Mais c'est ce geste qui m'avait fait tant de mal, moi, qui avait quasiment éliminé le Ghana. Exact, la main du quart de finale. Et en plus, après, il fête la victoire. Tout à fait. Après la... ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que c'était terrible. On était tous pour le Ghana. Moi, j'étais pour le Ghana. Ouais. Et j'ai pensé que Suarez, c'était un sacré bâtard. Donc, ça confirme ce que je viens de dire. Mais, ouais, voilà. Non, Suarez dans mon cœur. Et c'est vrai que ce soir-là, oui, ils étaient très tristes pour le Ghana. Ça avait été vraiment une petite pute, ce Suarez, sur le coup. Mais voilà, ça n'enlève pas le talent. On peut pardonner aux gens qui ont du talent, je pense. probablement, c'est ce qu'on fait souvent. Le bâtard, le saviez-vous, Jérôme Bertin, est aussi un terme boulanger. Ah, alors, ça m'intéresse, parce que je suis un spécialiste de pain au chocolat. Alors, je connais par exemple à Marseille le meilleur pain au chocolat. Alors, il se trouve rue de Lodi. Rue de Lodi. Ça s'appelle comment la boulangerie? C'est rue de Lodi, c'est en face du Carrefour. Ils font des pains au chocolat, mais hallucinants. Sinon, il y en a un à la Plaine, en face du bar de la Plaine. Le boulanger en face du bar de la Plaine fait très très bon pain au chocolat, mais à l'ancienne. Le nouveau est plus moderne, plus chaud, plus sucré. Alors vous allez être confronté à un autre spécialiste de la boulangerie, en la présence du docteur Lehmann, qui va nous joindre par téléphone dans quelques instants. En attendant, on écoute All Dirty Bastard. Yeah. See, let a nigga come through with that bullshit. Anytime you pop that shit, nigga, anytime you can suck the dick, you can suck a pussy. It's that G-type slang that makes this real sickening. E-night the stairs, I got my hand on the trigger. Starts from the smallest and hits the bigger nigga. Yo, straight out the lava bottom, hellfire's a known mental killer. Or a thriller, assassin, a terror. A hot, bloody, fatal mixture of carbonate water. Homicidal manslaughter, death is the order, start the mission. Travel at the speed of wind, through the valley of sin. I stopped the villain, murdered many men. Some injustice in my vicinity. This is Brooklyn Joe. I get down, I crack your fucking crown. Lay around and watch some real niggas break ground. I can't stop, it's every rock going up the spot. Hip rocks and niggas, no! Yo! Niggas grab the mic like the bites of a scorpion. Nervous, that's why the zoo brought me in. Now bring him forth, like the torch set the courts. Before the case begin, first place me in his brain. And make sure he can't maintain the calmness. You're harmless, watch how I bomb this. Stage light now appears to be the moon. Now your posse is your fucking platoon. Stale sound just flows through the air. I'm like a ninja, once I send you cold stairs. Then I get fierce, imperious, the nearest with the clearest rhyme. E-Rock the D-Duck, your fucking mind. Fuck shit up, wanna hurry up. Known for burying duck, do more styles than a muck. Wanting you jump, brain is out for lunch. Giving the power butt, soon to be paid like Donald Trump. Never fall victim to no bitch, jerk my dick. But still got more hoes than a pimp. And score more points than Sean Kemp. Keeping powerful and strong like the center on the Knicks. Hot one, hot two, hot three, hot. Old dirty bastard live and uncut. Shame on the nigga who tried to run game on it. Got more props than the president, more hardcore represent. Blowing niggas back who never had this. Cause I'm gifted, so you can get wrapped. The shit I'm kicking, send it to your mom for Christmas. And tell the shorty shit stay slipping. Soon to have more green than a Jolly Green Giant. Cause niggas rap style just down as inspired. You should've stayed home instead of picking up a microphone. But if you wanna run, no nut, like you tough, I call your bluff and blow you down with my hardcore stuff. I shine like 24 karat. Niggas rolling up- show with the party scene. Nigga wanna know me, ask Mr. Clean. It was a Wu-Tang, flip the stripping. That's my skill, niggas, you're tripping. Talked up from sniffing, you're the one who's riffing. I'm not OP, said it'll shit for Andy Griffin. You start to flip, slip, cause you're slipping while you sleep. I'll be the guard on point, let's get it given this. I jump on stage, flip, rip a show, strip a ripper, ho, hey, like Bo Jackson. While I'm still taxing, maxing, relaxing, sitting back, and licking tracks in. Again and again when the rock be jammed. When I see him up in the air, throw up the hand. Introducing one man band town. Swell, more the style couldn't stand, nigga. When the jump step to the center of the rhyme is better. MC tormentor, you get tap slap, cross the MC map. You laugh at ass on horse shack. Come on through, I black and blue your whole crew. Then I get Rudy with the Hong Kong food. Old dirty bastard, MC killer, money maker, Brooklyn jail and cell. Then I lay down like town. Then I get higher. Here comes that ill-type rougher. Stallion touch, I'm leaving broken down. Grandma's on a pen. Who, what, but brings it? Tighter than your anus. Chambers is saints for the deepest. Trainers keep it stainless. Still, what's common is the windmill. Deadly venom kills at the last of the sand spills. Old Dirty Bastard, des bâtons d'Anguirou, spécial foot bâtard. Et on va entendre la douce voix du docteur Lehmann. Depuis, docteur, vous nous entendez? Oui, bonsoir mon cher Manuel, bonsoir Jérôme, comment allez-vous? Nous-mêmes allons très bien, et vous? Moi, je vais très bien, je vais très bien. Ouais. Voilà, je suis actuellement en villégiature et je n'ai pas pu vous accompagner ce soir. Mais je vais essayer de vous prêter main forte, même si je vois que c'est un grand jour pour vous, Manuel, puisque vous avez pris votre indépendance. Tout à fait, voilà, je peux enfin monopoliser la parole, comme je l'entends. Mais vous le faites merveilleusement bien et nous nous poserons bientôt la question de savoir s'il est encore nécessaire de vous épauler, mon cher. Bah, et je crois qu'il faudra quand même se la poser, effectivement. C'est quand même un peu plus marrant pour moi, je dois l'admettre, quand vous êtes là. Voilà, c'est très bien. Je me marre un peu mieux. Même si avec Jérôme, pour l'instant, on rigole fermement. Eh bien, j'en ai bien l'impression aussi, puisque j'ai réussi à trouver le moyen de vous écouter de mon sud-ouest de résidence actuellement. Et j'ai beaucoup apprécié entendre l'ami Jérôme Bertin évoquer ses talents footballistiques. J'ai l'impression tout de même qu'en termes de boulangerie, et même de viennoiserie pour être plus précis, Jérôme n'est peut-être pas l'homme le plus à suivre, puisque quand même le pain au chocolat de Notre-Dame-du-Mont est assez dégueu. Attention, ces accusations sont très graves. On vous écoute, cher docteur, pour votre chronique boulangère, puisque vous allez nous apprendre que le bâtard est un terme lié au blé, apparemment. Ok, chronique boulangère. Le boulangisme est tendance. Il y a près de 130 ans, le bonhomme général faisait trembler une république aux abois. Si le retour en grâce du levain passe pour l'aimable facétie d'une société de consommation prenant soudainement conscience des dangers de son pendant chimique, la levure, difficile de ne pas lui attribuer une part de « c'était mieux avant », de tradition, de retour à la bonne vieille époque qui faisait du mitron un simplet, du boulanger un affameur et du meunier un escroc ou un feignant, selon. On devrait certes pas en revenir au droit d'usage panneau en graissant un seigneur honni, même si le parallèle avec Monsanto nous rappelle qu'il n'est point de progrès définitif, en tout cas dès lors que l'humanité se répartit des tâches auxquelles elle assigne bien évidemment une signification nécessairement porteuse de hiérarchie sociale et de jugements moraux. Le bâtard constitue l'un des plus purs exemples du maintien des préjugés au-delà de toute évolution morale. La profonde mutation d'une société ne l'en conduisant quand même pas à saper ses propres bases. Le bâtard atteint en effet l'élément constitutif du tissu sociétal, puisqu'il met en péril une cellule familiale dont la fonction primale est bien la reproduction, mais la reproduction normée. Le monde de la boulange a ainsi vu essaimer peu à peu une forme intermédiaire de produit panifiable entre la sacro-sainte miche familiale et la baguette, un blanc de luxe progressivement démocratisé dans la société française. Parce que la France évoluait, et qu'il lui fallait bien reconnaître un infime droit à la différence, elle popularisa l'appellation de bâtard, tout en maintenant, chose étonnante, le bâtard hors des normes pourtant en vigueur concernant baguette de 250 grammes et pain de 2 livres. Ces critères de classification finirent même par enfanter d'un petit dernier, une concession à cette dualité énécadée, en la personne d'un benjamin de 400 grammes, dit pain parisien, autrement dénommé flûte dans le Lyonnais ou restaurant en Provence. Pourtant, tout à l'enjouement des acheteurs, la reconnaissance de ces nouveaux enfants légitimes ne vinrent pas à bout de l'appellation même de bâtard, toujours un peu plus écrasé que ses plus prononçables congénères de poids. Le bâtard était donc la dernière d'une longue liste d'humiliations d'un boulanger dont le caractère cornu constituait pour tous ses clients le délicieux gage de l'excellence du pain. Mieux les miches de la boulangère se portaient, et plus la queue s'épaississait avant de s'engouffrer dans un magasin où, s'il fallait savoir attendre son heure, on était toujours douillettement accueilli. Quel rapport avec notre émission, me direz-vous, et je sens déjà votre alerte oreille emplie de doutes sur le caractère footballistique de cette chronique. Commençons donc par les miches de la boulangère. Comment ne pas voir se dessiner dans l'ombre de ces solides montants l'armature de la cage, y déceler une subtile métaphore de la solitude du tireur de pénalty au moment de prendre son élan. Avantageusement disposées, les généreuses miches de la boulangère semblent vous tendre les bras, comme à tout un chacun, pas plus qu'à votre successeur, ni qu'à votre prédécesseur d'ailleurs, pendant les précieuses secondes que dure ce moment crucial, censé lui aussi être marqué par la consécration. Le dimanche matin prend ainsi la tragique tournure d'une séance de tir au but, car il semble, pour le profane, plus qu'aisé, évident même, allant de soi, croit-on, de naviguer dans ce large corset pour mieux s'envenoyer dans ses filets. Il y a de l'espace, et pourtant l'on tire toujours à côté. En réalité, est précisément des catégories d'êtres humains qui parviennent à se lever dans ces précieux coussinets, c'est bel et bien dans la race des bâtards qu'il faudrait aller les trouver. Au risque de nous gargariser de l'hérédité supposée du phénomène qui ferait qu'un bâtard surgirait dans une boulangerie pour assouvir sa propre soif de reproduction en s'essuyant sur sa propre mère, il n'y a qu'un pas que nous franchissons à la vitesse du tireur de Panenka, c'est-à-dire tout en sang-froid, droit au but et en plein crucifix, s'il vous plaît, devant un public forcément envieux face à tant de morgues. Et ceci n'est qu'un premier exemple des larges dispositions des bâtards à embrasser dans le même champ turpitude farinière et footballistique. Revenons-en par exemple au façonnage, étape qui succède au pétrissage, au levage, au fleurage, et qui consiste à donner une forme adéquate au pâton. Cette masse, faite d'un mélange de farine et d'eau, adjointe de levure ou de levain, selon le degré d'acculturation du boulanger. Le boulanger se met alors en sélectionneur pour établir une équipe susceptible d'occuper l'espace disponible dans la fournée qui lui est réservée. Priorité aux baguettes, bien sûr, ces êtres élégants, racés, qui composent souvent l'attaque et se plaisent parfois à donner un côté sexy à la défense centrale. Les pains parisiens, autrement dit flûte au restaurant, constituent quant à eux l'ossature de la fournée des milieux solides, un gardien sur qui l'on peut compter. Cette composition rassurante, car présentant des critères normalisés, doit cependant laisser une dernière place à un être qui échappe à ces catégories tout en présentant, comme tous les sans mêlés, des caractéristiques d'excellence parfois même susceptibles d'éclipser les purs sangs. Il ne viendrait en effet à l'idée d'aucun boulanger de ne pas terminer ce bâton et de tirer la chasse d'eau pour se défaire du petit bout de pâte difforme, même si celui-ci lui rappelle qu'il a laissé sa gironde femme dans leur confortable lit depuis maintenant de longues heures. Alors le boulanger frappe, repétrit, façonne une dernière fois à la truelle ou au gravier ce qu'il considère comme l'indignité même de sa substance, la chair de la chair de la boulangère. Une fois défourné, naît alors un bâtard, certes du même sang que les autres, mais la gueule davantage enfarinée, la sourde colère de celui qui aura en su moins de mie. Et parfois, bonté divine oblige, celui-ci est même meilleur que les autres, plus court sur pattes tel Garincha, allégé d'un cerveau à la manière d'un Elka ou à l'instinct de tueur comme Gerd Müller. Pour s'interroger plus avant sur la notion de bâtard appliquée au football, il faut bien saisir que le bâtard est un rescapé, un survivant et surtout un réprouvé. Une saloperie dont la rude carapace l'a contre toute attente prémunie des bonnes mœurs pour mieux les pourfendre. N'est-ce donc pas là la définition du footballeur moderne, gladiateur vilipendé par sa soudaine notoriété, prolo vengeur vulgairement accoutré, mais au final, héros des sans grades et sourcri de revanche des damnés. Le général Boulanger se trépana sur la tombe de sa maîtresse, Madame de Bonnemain, qui avait habilement su pétrir son cœur d'une tragique destinée. Si l'on en croit la belle meunière, confidente du couple illégitime, cette dernière s'apprêtait à protéger la fuite des tourtereaux outre-Atlantique, leur assurant d'assumer le rôle de nourrice auprès de l'enfant pressenti. Encore une preuve de la longueur de la route et de la rudesse de la pente quand le spermatozoïde est bâtard, et que pour toucher au but, un brin de farine dans le nez ne peut nuire. Car la miséricorde divine frappe peu dans les farinières, et les bâtards sont souvent remisés au pétrin, ou sur un banc de touche, où les mères de famille et les boulangères peuvent coupablement observer, avec Jérémy Ménez ou Johnny Rotten, ce qui peut arriver en cas d'égarement. Merci. Merci docteur, merci beaucoup. Bravo. Pour cette chronique. On en sait maintenant beaucoup plus sur le domaine de la boulange et sur son rapport au football. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec ce que nous disait Jérôme Bertin tout à l'heure, quant au fait que Luis Suarez incarnait, selon lui, le gros bâtard du football? C'est une évidence. C'est un gros bâtard, et ce qui est excellent, c'est qu'il est excellent d'ailleurs. Et c'est ce qui est à souligner chez ces bâtards, c'est qu'en général, le bâtard, s'il a réussi à survivre, c'est finalement qu'il est meilleur que les autres. Et c'est ça qui est quand même intéressant. Malgré sa difformité, ses dents de devant, son cannibalisme avéré, Luis Suarez est un excellent joueur, qui ne sera jamais Ballon d'Or, très certainement, mais ça reste un des joueurs les plus marquants de ces dernières années, notamment au niveau de son attitude. C'est vrai que celle que vous évoquez face au Ghana en Coupe du Monde n'est qu'une des attitudes de bâtard de la longue liste de Luis Suarez. Jérôme Bertin, vous vouliez adresser un mot au docteur Lehmann ou... Moi, je trouve qu'il écrit bien et qu'il parle très bien de Luis Suarez, donc moi, j'acquiesce. Merci Jérôme, merci. On vous salue, cher docteur. On vous laisse retourner à votre hamac et autres distractions vacancières. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. Je crois que vous nous préparez un colloque sur le cyclisme pour des bâtons d'Anguirou. Ouais, exactement. On va embrasser la carte de France, comme on dit. Parfait. Soyons sages. Bonne nuit, docteur. À bientôt. Allez, amusez-vous bien. Merci, Jérôme. Ciao. Merci docteur. Donc Jérôme, on va continuer cette émission avec vous directement. On va s'éloigner un petit peu du sujet du football, quoique, puisque le retour de notre ami Bâtard dans votre nouvel opus, ouais. Bâtard. Le retour de Bâtard, qui fait suite donc à Bâtard du vide. Hein. C'était le premier ouvrage que vous avez publié. Ouais, c'était en 2011. Ça commence par un chapitre à peu près similaire, c'est-à-dire que je dis... C'est Courtou qui m'a fait écrire ce texte, parce que j'écrivais plus, il me dit écrire un truc sur le foot, même débile, c'est ce que j'ai fait. Ben on va vous écouter lire un extrait okay. de votre ouvrage. Ça va. Si je retrouve, j'ai tout préparé, mais... Ah oui, c'est toujours comme ça. Mais comme je suis bordélique, c'est... On est pris au dépourvu. En fait, j'ai pas grand-chose à dire, plutôt à montrer. Voyez vous-même, tapez Jérôme Bertin écrivain sur Google Images. Si vous tapez Jérôme Bertin tout court, vous allez tomber sur le faux bel acteur de Poubelle la vie. Je vous autorise à dégueuler. Passez cet écueil, la première photo que vous trouverez de moi, celle aux cheveux longs, fait penser à un Christ poliomélite. À l'époque, on me disait souvent que j'avais une gueule de con. Rassurez-vous, c'est toujours le cas. Même si en vieillissant, les adversaires se font un peu moins rudes, un peu moins nombreux, moins d'hormones, plus grand-chose à défendre. Déjà bien trop humiliés et abîmés qu'ils sont par la vie sous vide qu'est celle de notre siècle. Sur la seconde photo, celle au crâne rasé, on dirait une espèce de moine malfaisant, membre d'une vieille secte extraterrestre. Pas top non plus sur cette photo où j'essaie d'être menaçant, où j'arrive tout juste à paraître arrogant. La sale gueule, c'est un truc qui se vit à 100% 24 heures sur 24. Tu peux te maquiller tant que tu veux, tu ressembleras toujours plus à l'un des horribles clowns de Buffet qu'au Saint-François de Zurbaran. Vous pensez quoi de l'art moderne? J'abuse beaucoup les bellâtres, avec leur bonheur de con et leur bonne joue, les tombeurs, les flambeurs de province, les joueurs de banjo sur sable. Je les fais bien rire. Trois poils au cul, ça se prend pour un ours. Perso, j'y changerai rien à ma gueule telle qu'elle mousse. Ça vous forge un caractère, la laideur. Dernier tour de piste, puis 9 mois plus tard, c'est le coma assuré pour la tante Machin et le cousin Citroën. J'ai droit à tout, tête de tox, face de con, les fistules dégueulent leur haine, il en faut bien des boucs émissaires. Donc vous en pensez quoi de l'art moderne, de celui d'avant-garde? Nanette prend pour les autres, elle tient une galerie marchande d'art, je vous dis que ça. En fait, je n'ai pas grand-chose à dire, mais vrai, si j'écris rien, je culpabilise. Cette propension paroxystique à culpabiliser, je la tiens de ma meilleure amie, ma mère. Ma maman à moi, c'est un gangster, elle n'a pas sa langue dans sa poche. 1m59 de TNT sur pattes, même si elle tangue un peu aujourd'hui, elle frappe toujours là où ça fait mal. Les chiens ne font pas des canards. Si un connard s'enflamme, elle lui crache dessus pour l'éteindre. Ma maman Pilou est fan de l'OM, de Soprano, de Géranium et de Jean-Jacques Goldman, qu'elle trouve tellement beau que ses yeux se mouillent quand la musique est bonne. Ma maman crache dans la benne humaine, elle est colère de voir ce déclin de l'empire du pire. Elle fait des ricochets avec les langues de pute. Elle scalperait pour un mot de travers. Ma maman a le cœur sur la main et l'estomac miniature. Elle est gaulée comme un bébé moineau malade. Récemment, elle a annexé un rocher sur l'Atlantique et tord le cou aux idées en toc. Ma maman est ma première lectrice. Électrique, touffe, de cheveux laqués. Dites-moi, laquelle est la plus belle? Difficile de savoir comment ma belle maman et mon charmant papa ont accouché d'un machin pareil, moi. J'aime ma maman quand elle fait des bras d'honneur à la vie déguisée en bourgeoise palote. Ma maman a une santé précaire, elle vit contre la montre. De son rocher sur l'Atlantique, elle discute avec les sirènes et injurie les Mongols du club merde. Elle peste contre la peste blanche qui ricane derrière les grilles du camp. Ma maman deviendra-t-elle une bombe humaine? Peut-être qu'elle finira dans un camp de houles intégristes du virage nord marseillais. Ma maman porte la culotte, elle lui arrive au néné, mais ma mère ne se dégonfle jamais. J'aimerais qu'elle guérisse ma maman fatiguée, car sans elle je suis rien, une ruine, rideau blanc. Ma maman se battait avec son ombre, mais elle prône la paix. Ma maman est un pirate au grand cœur, grand comme ses yeux verts de gris. Ma maman cogne, griffe, me caresse la tignasse. Une tigresse limousine, il n'est de Dieu que Dieu et ma maman est son prophète. Je ne connais pas de sensibilité plus grande que celle de ma maman, de tristesse non plus, les canards ne font pas des cafards. Ma maman n'a qu'une patrie, Marseille, où elle vient prier la bonne mère de veiller sur son fils. Vous venez d'entendre, chers auditeurs, Jérôme Bertin lire les pages, je crois, 10 à 13 ou 10 à 14 de son ouvrage. Je crois que c'est ça, parce que j'ai regardé super en bon. Même temps. Super bon. De son ouvrage Rose, retour de bâtard, publié cette année 2016, début d'année 2016, aux éditions Aldante, comme la plupart de vos ouvrages, d'ailleurs, Jérôme. Un éditeur depuis 5 ans. Vous êtes fidèle à cet éditeur et il vous est fidèle. Il m'est fidèle. On s'entend très bien. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, pour ma part. J'ai envie de vous le dire là ce soir. Qui est parfois violent, qui est très remuant, mais je trouve très vivant. Au final, vous y parlez de la vie dégueulasse parfois, de la vie sombre, de la vie difficile, la vie difficile, la vie drôle aussi, certainement, et de la belle vie aussi. Moi, l'extrait que vous venez de lire là m'avait pas mal marqué. Schopenhauer dit qu'on vit dans le tragicomique, et je pense que là, on se situe dans le tragicomique à une petite échelle, la mienne. Mais complètement, je suis d'accord avec vous. Votre passage sur votre maman. En tout cas, sur la maman de votre personnage. Ouais, pour un bâtard, j'aime beaucoup ma maman. C'est vrai qu'il y a une espèce de paradoxe, mais c'est vrai, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je suis un bâtard qui aime sa mère. Qui est ce bâtard, finalement? Est-ce que c'est un double de vous? C'est un laissé pour compte, un écorché vif? C'est ma part maudite. C'est votre part maudite. Je pense que c'est ma part maudite. On parle toujours autobiographie, autofiction. Je ne sais pas où je me situe. Je dirais que j'en rajoute un petit peu. Bukowski disait il y a 90% de vrai. Je pense que là, il y a 80% de vrai. Beaucoup d'exagération, mais la réalité est tellement banane que des fois il faut la rendre plus agréable, la littérature est ça pour ça, là pour ça. Votre style aussi est assez caractéristique maintenant, on le retrouve et on le reconnaît d'un livre à l'autre, vraiment, vraiment précisément. Et je trouve qu'il appuie en plus moi complètement votre propos, et voire le renforce même. Et vous l'auto-définissez dans un chapitre comme des lames de rasoir sur la langue. Bah, je crois que ça me vient d'un vieux film, je crois que c'était Alain Delon, à un moment donné, ou alors j'ai rêvé, il y a un personnage qui marche sur un fil et il se prend toutes les lames dans la gueule. La lame de rasoir m'a toujours obsédé, c'est comme le Apocalypse Now, c'est Kurtz qui dit l'escargot ou la limace qui se déplace sur la lame de rasoir. Je sais plus, je suis parti dans la lame de rasoir, mais je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, bien sûr, c'est là une des manières avec laquelle vous définissez votre style, et c'est assez parlant quand on lit notamment. La lame de rasoir, c'est petit, c'est fin, c'est aiguisé. Et c'est puissant. Ouais, c'est ce qui me manque à moi. Par contre, le petit aiguisé, ça va, j'y arrive. Pas certain. Est-ce que votre bâtard est un peu nihiliste? Non, je pense pas. Trouve de l'espoir dans... Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il remet tout en cause. Je pense que le nihilisme, c'est la politique capitaliste actuelle, républicaine, capitaliste merdique. Et je pense que non. Bah, disons que c'est la vie qui fleurit sur la pourriture. Mais à ce compte-là, j'avais envie de vous entendre aussi sur... des choses que j'avais lues sur vous, ou de vous d'ailleurs, sur Internet, hein, essentiellement, sur des questions d'engagement. A priori, vous avez été plutôt engagé dans certains mouvements plus jeunes, et puis vous en êtes revenu. Ouais, j'en suis revenu. Je sais pas, disons que je suis un peu dépité. Ça fait pas de moi un nihiliste, ça fait de moi quelqu'un qui doute beaucoup, mais qui réfléchit aussi. Et je pense que pour être libre, on doit être seul, et que donc penser de manière grégaire, c'est aussi se dévaluer. Est-ce que Bâtard, par exemple, il participerait à la Nuit Debout en ce moment? Bâtard, je crois qu'il ne s'est pas réveillé à l'heure pour aller à la Nuit Debout, mais je souhaite beaucoup de courage à Tout le monde se lève. Pour Danette, voilà. Entre autres. Alors c'est difficile de ne pas vous associer, vous et votre Bâtard, à un personnage que vous avez déjà cité dans cette émission, c'est Sylvain Courtout, qui est mon frère. Votre grand ami, et c'est... Voilà, c'est difficile de ne pas, de pas vous associer. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, 21 ans. Et d'ailleurs, Donde, qui est un habituel membre du dispositif ici, vous définit comme l'école de Limoges. Est-ce que ça vous dirait ça? Il y a une école de Limoges, l'école des dingos, l'école des marginaux. Ouais, il y a aussi Fabienne Létang qui vient de là aussi, on est quelques-uns. Voilà, on est trois. Et comme vous le disiez, et c'est pareil pour Sylvain aussi, que je connais moi aussi un petit peu, votre expérience personnelle teinte énormément vos récits et vos ouvrages. On a commencé ensemble le vol de livres, l'incendie de voiture et la drogue et l'alcool. Et voilà, quoi, une déchéance totale qui nous a pourtant permis de rebondir. Parce que quand on a commencé dans les années 2000, ça allait mal, très mal. On était des fouteurs de bordel. Maintenant, on l'est un peu moins. Je trouve que Sylvain est en train d'écrire un livre qui s'appelle « Pavillon noir, tête brûlée », me semble-t-il, qui va être une pure bête de compétition. Ben, écoutez, on le salue, en tout cas. Voilà, moi, je le salue. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais on le salue et on espère le voir bientôt. « Retour de bâtard », donc, c'est l'ouvrage de Jérôme Bertin qui nous fait l'honneur d'être notre invité dans « Des bâtons d'Anguirou ». Moi, j'écouterais bien un nouvel extrait, si ça vous est possible, mon cher Jérôme. Ah ouais, d'accord. Okay. Allez. Allez, ça va. Un petit dernier. Alors, on va finir... Merde, j'avais tout préparé, sauf ça. C'est bon. Bon. Les gens, en général, ne m'aiment pas. Certains garagistes me trouvent prétentieux. Bien. Il paraît que je suis hautain dès que ça sent l'huile. Mon dégoût des voitures et mon horreur de la vitesse les laissent perplexes, songeurs. Qu'est-ce que c'est que ce type qui ne sait même pas changer un pneu ? Les éditeurs et les poètes pensent que je suis autiste, toujours la tête basse et toujours bourré. C'est seulement que je ne discute pas avec le collabobo. Dans les soirées mondaines, il m'arrive de vomir, de réviser mes tables de multiplication, de me battre. Une aubaine pour se défouler, les poètes, même les plus théoriquement guerriers, n'ont pas la science du combat. Rien d'étonnant, puisqu'ils viennent en grande majorité de la ride bourgeoise. Ce sont de vraies tarlouses, juste bonnes à sucer la queue du pouvoir. Cependant, quelques routiers m'aiment bien, puisque je parle de foot avec science et passion, que j'apprécie les calendriers de cul, que je peux les fournir en teuteux. Les enfants m'adorent. Je n'ai aucune autorité et un sourire éclaté digne de celui de Bugs Bunny et de Luis Suarez, rajouterais-je. Je leur souris, incapable de quoi que ce soit d'autre, quand ils me jettent des cailloux et qu'ils me crachent à la gueule. Je méprise certains garagistes, car ils se tapent les pots d'échappement de leurs charrettes de compétition, se passionnent pour la caillasse, confondent Lara Fabian et la calasse. Je m'ennuie tellement avec les bobos de la plume que je mets mon cerveau en veille, et que je me fais un devoir de boire assez pour pouvoir dégueuler sur leurs costards claquettes et leurs derniers espoirs. Les routiers sont mes amis, ils sont des pigeons voyageurs, je m'en foutiste et fan de picrates. J'aime parler de cul avec eux, mais aussi de chattes et de queues. Bon, donc, la grande majorité de mes consanguins me détestent, me méprisent. Je suis l'artiste AH de la MIFA, le cornio de service des galeries, une pipe archaïque pour les gamins. Toutefois, cela me laisse froid, mais rassurez-vous, j'ai le chauffage. On perd toujours à la fin, rarement comme on est venu, c'est-à-dire dans une chatte, souvent la tête basse, remplie d'angoisse et de terreur. Vous pouvez tous espérer qu'un tennisman français gagne un grand chelem ou que votre femme se fasse refaire les seins. Vous pouvez toujours vous souhaiter encore 30 ans à vivre, donc 1500 couilles et 5 dans les couches. Vous pouvez adhérer au PSG et devenir champion de France ou à Lens, où l'important est de participer à une messe païenne qui glorifie le chanteur Pierre Bachelet. Vous pouvez arracher l'intraveineuse et vous carapater par l'escalier de service, les jambes faiblissent. Vous avez beau vous méfier de la racaille des quartiers et de celle des ministères, la foi, quoi qu'il en soit, finira par vous faire le coup du père François. En temps de guerre, la faim justifie quelquefois les boyaux arrachés par la gueule goujon, les noyaux de vagin enfilés sur des pics en brochette, la départation de peuples de mauvais goût. La faim est quelquefois en gerbe, quelquefois en grognant, en couleur de temps en temps, ou quelquefois en noir et blanc. Elle a lieu à moto, sur une estrade de cirque, seule, accompagnée, sur le bord de la chaussée, au bureau, au bordel, dans un hospice moisillot au fond de son lit. À Honfleur, à Mexico ou bien à Glandon, 8-7, en pleine crise de rage ou rouge de honte, les vertiges de la haine ressemblent à des plans d'eau comparés à ce vide. Le vide, oui, la seule chose dont on est sûr, c'est que l'on perd toujours à la fin. Merci Jérôme, c'est drôle parce que finalement, les deux extraits que vous avez choisi de lire pour l'instant, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en lire un à la fin de l'émission, parlent assez peu de football. Ah ben voilà, alors que vous en parlez beaucoup finalement. C'est l'amorce à chaque fois, c'est l'amorce de Bâtard du Vide, c'est l'amorce de Retour de Bâtard. Ouais. Alors là, spécial dédicace à Sylvain qui m'a dit « Tu publies pas, t'es nul, écris un truc sur le foot », ce qui m'a bien aidé. Et à Camille qui m'a dit « Écris à nouveau un truc sur le foot, c'est tout ce qui plaît ». À chaque fois, je parle de foot dans le premier chapitre, et puis mes vieux démons reviennent et j'en oublie le football. Vous avez été footballeur vous-même ? Oui, très médiocre, remplaçant, coiffeur, comme on dit, arrière-droit, latéral, comme on dit maintenant, en poussin, débutant, je ne sais pas quoi, et après... Ouais, j'ai beaucoup joué au foot. On m'appelait le Peter Crouch, non ? C'est-à-dire que je suis grand et maigre, mais trop petit pour être un Peter Crouch. Et comme je faisais des retournées assez bâtards, mon neveu me disait « t'es un Peter Crouch, non ». Voilà. J'espère vous faire plaisir avec le morceau qui va suivre. On va voir. Qu'un jour, dans un petit café de Noailles, j'ai surpris une discussion entre Jérôme Bertin, notre invité ce soir à Des Bâtons dans Guirou, et Sylvain Courtou, et discussion qui portait sur le groupe AA. Et vous me disiez à quel point vous étiez fan de ce groupe. Alors, c'est plutôt Sylvain, c'est-à-dire que c'est sa passion. Il comptait même écrire un livre sur AA, que j'aimerais bien qu'il écrive. Il vient de les voir en concert, ils étaient à Paris là. Et c'est un groupe sympathique. Il y a un album que j'aime bien, c'est Foot of the Mountain. Et oui, j'ai failli vous passer ça, puisqu'il y a le mot foot dedans aussi. je crois que c'est l'album que j'aime de A, mais c'est une musique sympathique. Oui, puis ça me fait penser à Sylvain beaucoup. Bon, alors c'est cool. Je voulais vous parler d'un autre auteur, moi, ouais. Mon cher Jérôme, un auteur que je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, qui s'appelle Irvin Welsh. Ah, je l'ai pas lu. Vous l'avez pas lu. C'est le mec qui a écrit Trainspotting. Exactement. Voilà. Et bien du coup, allons-y. Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques. Choisir la santé, un faible taux de cholestérol et une bonne mutuelle. Choisir les prêts à taux fixes. Choisir son petit pavillon. Choisir ses amis. Choisir son survêt et le sac qui va avec. Choisir son canapé avec les deux fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de McDo. Choisir de pourrir à l'hospice et de finir en se pissant dessus dans la misère en réalisant qu'on fait honte aux enfants niqués de la tête qu'on a pendus pour qu'ils prennent leur lait. Choisir son avenir. Choisir la vie. Pourquoi je ferais une chose pareille ? J'ai choisi de pas choisir la vie. J'ai choisi autre chose. Les raisons ? Y a pas de raison. On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne. Voilà, on vient d'entendre le début, le tout début du film Trainspotting, Danny Boyle. Avec les mots donc d'Irvin Welsh. Ouais. Irvin Welsh, c'est un auteur écossais qui vit maintenant aux États-Unis, qui a une écriture, on va dire, proche du trash, voilà, pour white simplifier, trash, ouais. Voilà, white trash, et qui dépeint en tout cas une société écossaise, particulièrement celle de Glasgow, une société aussi délaissée pour compte, d'une jeunesse sacrifiée, addict aux drogues douces ou aux drogues dures, addict aux loisirs créatifs un peu subversifs. On va les appeler comme ça. Ouais. Et puis, c'est une jeunesse qui combat l'ennui essentiellement dans les bouquins et qui combat les idées reçues, qui combat la bien-pensance. Il utilise le parler de Glasgow dans ses récits. C'est un petit peu plus difficile à rendre compte dans la traduction française, évidemment. Il utilise son expérience des quartiers, des addictions. On peut le rapprocher aussi d'auteurs de Glasgow comme Iain Rankin, par exemple. Ou John King en Angleterre. John King en Angleterre, exactement. Et puis, des Américains comme Chuck Palahniuk ou Bret Easton Ellis, voilà, c'est à ces gens-là qu'on le compare assez souvent. Trainspotting, c'est son premier gros grand roman qui peut-être lui a aussi porté préjudice puisque ça a été compliqué de faire aussi bien et avec autant de succès par la suite. Il y a eu Porno qui a été une suite de Trainspotting et puis il y a eu notamment un livre dont je vais vous parler un petit peu ce soir qui s'appelle Recettes intimes de grands chefs où il est question de manière assez récurrente de football. Et l'ami Irvin Welsh est souvent proposé comme un auteur de comédie sociale britannique, voilà, aussi, également. Et donc, qui dit comédie sociale britannique, dit football, religion sur l'île en face de chez nous. Et il était notamment, lui, un fervent supporter des Hibernians, club d'Édimbourg, qui avait été fondé par des Irlandais. Je vais vous lire un petit passage, Jérôme, de Recettes intimes de grands chefs, qui est un livre paru aux éditions du Diable Vauvert en 2007. Voilà, ça date déjà un petit peu pour la traduction française. Un extrait qui situe notre héros, qui s'appelle Skinner, à la fin d'un match de foot des Hibernians contre Aberdeen, et à la sortie de ce stade qui est surnommé l'étable. Et vous allez voir ce qui se passe. Skinner regarda ses amis autour de lui, noyés dans une foule bien plus importante. Il y avait de sacrées tronches de sortie ce jour-là. Il se sentait dispo à se bouger. Ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Un rancard avait été arrangé sur East London Street après le match et les compagnies s'y dirigeaient déjà en petits groupes. Alors que les Hibs avaient commencé à quitter le stade 10 minutes avant le dernier coup de sifflet, les gars d'Aberdeen lancèrent une attaque surprise. Au lieu de traverser le pont de Boswell Street, ils réussirent à contourner la tribune sud où ils se heurtèrent au reste des supporters du Hibs. La plupart des Hibs avaient déjà quitté les tables et se dirigeaient au point de rendez-vous, mais il restait quelques traînards, dont Skinner, et ils furent surpris de voir l'équipe de supporters d'Aberdeen chargée à travers un tas de spectateurs terrifiés. Nous y voilà. Skinner sentit son pouls s'accélérer sous la montée d'adrénaline. La police manquait tout simplement à l'appel quand la compagnie d'Aberdeen s'élança. « Ça pétait », pensa Skinner avec excitation. Et dans le genre des années 70 ou 80. Partout autour de lui, une bonne baston façon vieille école, le genre de truc qu'ils attendaient depuis des années, mais qui, à cause de la ritualisation de la violence, de la police et des contrôles, n'arrivait que rarement, sauf dans les journaux. Non seulement Skinner leur fit face, mais il courut droit sur eux en balançant les poings. « Allez, venez, bande d'enculeurs de moutons !» Évitant un paysan gros comme un taureau dans une veste noire Stone Island, Skinner se retrouva à échanger une volée de coups rapides et enthousiastes avec un mec aux grandes dents, à la tête squelettique, au regard dur et chafouin engoncé dans une Paul & Shark rouge. Il était déterminé à rester concentré et à conserver ses distances, mais son adversaire l'atteignit le premier avec une lourde droite dans le nez qui l'étourdit et lui fit monter les larmes aux yeux. Skinner fouettait bientôt l'air et moulinait comme un amateur. Connard. Skinner reçut un bon pain dans l'œil, un autre dans le menton qui le fit reculer en chancelant et il remarqua soudain la lumière blême des lampadaires qui brillaient contre le ciel glauque du crépuscule. Il s'aperçut alors qu'il était à terre, les jambes paralysées. Il sentit qu'il n'arriverait pas à se relever et se mit en position fœtale, ce qui ne lui porterait pas préjudice car quelqu'un d'autre allait payer. Oui, Kibi allait souffrir pour lui. Danny Skinner était devenu invincible, c'était de la folie pure, mais il en avait le pouvoir. Balance la sauce, Aberdeen, putain, balance la sauce. Après qu'on lui enfonçait quelques bons coups de botte, un rabat-joie s'écria « Putain, mais laisse-le, mec, il en a eu assez. Mais casse-toi, pauvre con !» La pluie de coups se calma puis s'arrêta tandis que les sirènes de police emplissaient l'air. Il crut un instant qu'on l'avait poignardé. Certains coups semblaient trop douloureux et profonds pour avoir été infligés par une botte ou un poing. Mais il ne vit pas de sang quand les secours le ramassèrent sur l'asphalte. Avant même que son corps assommé soit hissé à l'arrière de l'ambulance, deux flics l'arrachèrent aux infirmiers indignés, le menottèrent et le jetèrent dans le panier où on lui retira une menotte pour la fixer à une barre qui courait sur toute la longueur du véhicule. « J'aurais jamais dû mettre mon t-shirt Lacoste », pensa-t-il, ahuri. Et l'œil trouble, tandis qu'il prenait place dans le panier à salade. L'effet anesthésiant de l'adrénaline se dissipant et réveillant sa tête et ses côtes douloureuses. Son rival d'Aberdeen était assis à ses côtés. « Ça va, mec ?» demanda le garçon, l'air coupable face aux meurtrissures de Skinner, avant de lui offrir une cigarette. Son adversaire nauséeux et cabossé accepta avec joie. « Un beau numéro où vous nous avez monté avec tes gars. Comment t'as dérouillé, mec ? Oh, bof, un accident du travail, mon pote, tu sais. On est costaud, Alice, répliqua-t-il en souriant, malgré sa terrible et savoureuse souffrance. Les yeux rivés sur la veste du garçon, Skinner demanda. Sympa tes fringues, c'est la nouvelle collection de Paul & Shark ? Ouais, je l'ai acheté à Londres, tu sais. Skinner essaya de lui rendre son sourire, mais son visage était bien trop douloureux. Mais ça n'allait pas durer longtemps, pensa-t-il joyeusement. Voilà cet extrait qui donc décrit une bonne vieille baston entre supporters après un match. Et moi, j'avais envie, bien sûr, j'ai jamais envie de faire des comparaisons entre auteurs, mais j'avais envie de le rapprocher un peu aussi de la figure du bâtard, ce Irvin Welsh, parce que on est peut-être, je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mon cher Jérôme Bertin, dans ce rapport à la violence des supporters, dans un esprit un peu bâtard aussi. On ne vient pas simplement au foot pour regarder le match, mais aussi pour en découdre avec une autre tribu, en quelque sorte. Non, mais ça, c'est un truc important. Je pense que le peuple, sans le peuple, il n'y a pas de ville de foot. Ce soir, j'ai entendu Pascal Praud, je suis désolé de reparler de Pascal Praud, qui disait que lui, dans sa ville de la capitale, puisqu'on n'a pas le droit de dire certains mots, dans la capitale, ils avaient réussi à se débarrasser des hooligans, du peuple, etc. Ça donne une bonne image, je crois, de ce qu'est devenu ce club dégueulasse. Mais d'ailleurs, Welsh en parle, finalement, son personnage dit « Ça n'arrive plus, ce genre de baston. » Le foot, fait c'est de la passion, c'est la baston aussi. Du fait de la ritualisation de la violence, des contrôles de police, etc. Donc on est dans une... Non, mais là, aseptisation de plus en plus cher, comme ça ils savent que le peuple va pouvoir venir et il y a beaucoup plus après de spectateurs que de supporters, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y a certains matchs anglais, tu vas à City, il n'y a pas une ambiance de fou. Tu vas encore à Anfield, il y a encore des ambiances de fou, mais à City, pas si t'en irrites, mais quand je regarde la télé, je me rends compte que c'est pas des ambiances terribles, quoi. Ça devient un sport de riche, en fait. On fait un petit aparté Coupe d'Europe. Vous avez vu ce match entre City et le club de la capitale, du coup ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bah, j'ai eu des moments de plaisir quand City a marqué, des moments de douleur quand Paris a marqué, surtout ce but gag dégueulasse. C'est bien significatif de cette équipe de pleutres. Ça fait plaisir, c'est pour ça que je voulais vous lancer. Je savais que ce serait chouette. Allez, en tout City, mais je pense que Paris va passer, comme ouais. Barcelone et comme Wolfsburg. Qu'est-ce qui reste après ? C'était Bayern. Bah, il nous reste le Bayern contre et ouais. contre Benfica peut-être. Contre Benfica, donc passeront Bayern, Barcelone, Benfica, Wolfsburg. On verra si vos pronostics se réaliseront. En tout cas, si on revient à notre sujet, le bâtard, et peut-être le bâtard chez Erwin Welch, moi j'ai l'impression aussi que finalement, à travers ce personnage de Skinner, on va avoir une définition plus positive et moins péjorative du bâtard que celle que le dictionnaire nous proposait au départ. Le dictionnaire, comme l'histoire, est l'apanage des vainqueurs. Ça, c'est vrai. Mais en parlant de cet esprit qui pourrait généralement connoter les laissés pour compte, les gens du peuple, ceux qui vont au stade par passion, etc., finalement, ces bâtards-là, ouais. eh bien, on leur rend un peu aussi hommage, finalement. Et ouais, on rend hommage à cet esprit bâtard. Tout à fait. Bah, j'avais envie que vous continuiez un peu, mais si vous voulez... C'est vachement dur de parler dans un micro et de penser qu'il y a des gens qui écoutent. C'est pas mon truc, je suis pas un communicant trop, mais l'émission est très bien, donc ça va quand même. Est-ce que vous pensez pas aussi finalement que le mot bâtard est aujourd'hui galvaudé, employé à toutes les sauces, enfin pas vraiment, il y a toujours... Mais en tout cas, il a perdu son sens premier. Ouais, il a perdu son sens premier, comme la majorité des mots... la langue française, mais un bâtard, ça reste un bâtard. Moi, je suis fier d'être un bâtard. Et voilà, quoi. On a envie qu'il y ait des bâtards un peu partout pour foutre la merde dans ce monde des bisounours et ce Barbiland. En tout cas, selon la mauvaise foi caractérisée du président du club de Lyon... Mon Dieu, de quoi tu me parles ? Je vais vous en parler, mon cher Jérôme. J'ai mal au foot. Oui, en même temps, le club de Lyon ne connaît le foot que depuis 2001, hein, donc c'est assez récent. Et depuis, ils ont oublié aussi, je crois. Je crois qu'on n'est pas super bien placé. En tout cas, notre bon ami Jean-Michel Aulas réagit à une sorte de polémique qui a eu lieu il y a quelques années entre Lyonnais et Stéphanois. Et il dit... Je suis un peu surpris de l'emphase qui est mise sur cet incident. Je suis allé voir dans un dictionnaire, un bâtard est un enfant issu d'un couple non marié. Ce qui n'est pas le sens véritable. Du coup, la mauvaise foi caractérisée de cet homme rentre en ligne de compte. Mais ce type est infect. Ce type est infect. Je te rappelle quand il était allé voir, enfin, il avait dit aux supporters de Saint-Etienne, vous jouerez la Champions League sur vos jeux... Sur vos jeux vidéo, oui, tout à fait. Vidéo. C'est vraiment une merde, ce mec. Un bâtard, donc, est un enfant issu d'un couple... est un enfant issu d'un couple non marié. Ce n'est pas une insulte. Je transmets les excuses du club pour ceux qui se sont sentis insultés, mais dans le fond, il n'y a pas d'insulte. Le Larousse fera foi. Je dirais que ce mec... est un connard, ouais. Une grosse merde, ouais, mais pas un bâtard. Mais pas un bâtard, très bien. Il n'a pas cet honneur. Cette déclaration de Jean-Michel Aulas faisait suite à une très belle intervention des joueurs même de l'Olympique Lyonnais. J'ai envie de vous la faire écouter parce qu'elle est un petit peu dégueulasse et du coup, on va écouter ça. Emmenez-moi à Jean-Franchard, emmenez-moi au pays des bâtards. Il me semble que la misère serait insupportable. Emmenez-moi à Jean-Franchard, emmenez-moi au pays des bâtards. Il me semble que la misère serait insupportable. Ah, c'est bien atroce, c'est dans l'esprit lyonnais. Ouais, c'est beau, c'est les joueurs eux-mêmes. Donc, tu sais qui c'est les joueurs qui ont chanté ça? Il y avait derrière le micro celui qui était surnommé le policier, Chris. D'accord. Et la casette tout jeune, je crois. Ah, la casette tout jeune, ouais. Des gars, des gonalons, des gens assez fiers d'eux. Y a toujours ces antagonismes entre deux villes proches. Il y a la ville pauvre, la ville riche. C'est pareil avec Lens et Lille. Bon, moi j'étais du côté de Lille, j'ai honte. Mais voilà, maintenant je soutiens Lens et je soutiens Saint-Étienne parce que j'aime bien les équipes qui viennent de villes plus modestes. Écoutez, c'est l'heure maintenant d'écouter un autre de mes petits camarades. Il s'agit du coach Luc qui, lui, a choisi de nous parler d'un gros bâtard, selon lui, qui est un joueur de foot britannique qui est devenu acteur. Est-ce que vous devinez jusque-là de Beckham? Qui peut... Non, ce n'est pas Beckham, il s'agit de Vinnie Jones. Ok. Voilà. Et on va écouter le coach dans sa fameuse et célèbre désormais croquine nous parler de Vinnie Jones. C'est parti. At London Crown Court this morning, ex-England football captain Danny Meehan was jailed for 3 years. Not dangerous, are you, Mr. Footballer? Only if you've got the boldness. Governor wants you to coach my football team. I just want to do my time and get on with my life. If you don't play ball, you could be with us for some time. Listen, tell the governor the best way to train the guards is to play a really tough match against a team of cons. Could be win-win for everybody. What we need is 11 men to play as a team. Right? Right! Yes! It's lovely, Bennett, will it? What's that? I'm your manager. Since when? Massive is your man. We still need a goalkeeper. The legendary Monk. That dude is beyond mental. I heard he ate Hannibal the Cannibal. Hello, Mr. Monk. Can you play football? We're playing the guards. I'm with you. Let's win, and let's win well. It's getting hot out there, Bob. Oh, yeah, Bob. Very Rio de Janeiro. Lose, and they'll never let you forget it. Oh. Oh. Is that all right, though, Dan, yeah? Cream. All right, lads. You want to be nothing. Numbers, prisoners, that's fine. Run your guts out, and you'll have something in here they can never touch. We'll give you a match. You'll give us a game. Doubt whether you can match us. Come on! Just look at our boys decked out all in black. Very haute couture. No, it's definitely black, Bob. Boy, Mr. Sykes. You look the part. All you need now is a... I think it's in everyone's interest if you lose this game. I can't do that. You're unbelievable. Still 0-0, but if this was boxing, the Mean Machine would be head on point. So you get out there and hurt some people. Vous venez d'entendre la bande-annonce du film Mean Machine, ou Carton Rouge en français. Film de Barry Skolnick, sorti en 2001. C'est un film de foot et de prison, mettant en vedette Vinnie Jones. Vinnie Jones, que j'ai eu le plaisir d'interviewer pour cette spéciale Foot Bâtard. Bonjour Vinnie Jones. Bonjour, je suis Vinnie Jones, ravi d'être avec vous. Merci de répondre à mes questions pour l'émission DBDGR. Des bâtons d'Anguirou est la meilleure émission de Football Studies que je connaisse. Ses animateurs sont très très cool. Merci pour eux. Vinnie Jones. Si vous êtes à présent un acteur vivant dans le gratin de Los Angeles, vous avez été, dans les années 90-2000, un des fers de lance du football anglais et gallois, d'abord au Wimbledon FC, puis à Chelsea, Leeds United et QPR. Vous pratiquiez à l'époque un jeu où tous les coups étaient permis, violent aussi physiquement que verbalement. Votre comportement sur le terrain était d'ailleurs plus digne d'une brute hooligan, d'un gros bras de gang, que d'un professionnel. À la fin des années 90, l'Angleterre est un pays en pleine crise industrielle et sociale, ravagé par plus de 12 années de Margaret Thatcher, dont la politique libérale a laissé le petit peuple exsangue et désœuvré. Dans le contexte de cet enfer économique, tu n'as pas le luxe d'être un gentleman. Il te faut être droit et frontal dans la vie, qui est un combat ordinaire. Le puritanisme de droite de la City devait être remis en question. Il fallait lancer une véritable révolution culturelle et antipsychiatrique, pour détruire la morale thatcherienne et pour détruire le vieux fond de conservatisme ambiant. Il fallait tout détruire pour tout recommencer. Les clubs de football étaient à la fois une famille et une entreprise. Les stades étaient la scène idéale pour instruire la lutte. Le film Mean Machine ne parlerait de rien d'autre. Ce n'est rien d'autre qu'une fable sociale, métaphorique, qui met cette lutte au cœur de son histoire, avec de l'humour. Vous avez disputé 400 matchs en professionnel, vous avez été capitaine de l'équipe du Pays de Galles, et vous avez aussi recueilli 92 cartons, dont 12 cartons rouges, et vous êtes détenteur du carton jaune le plus rapide de l'histoire, obtenu au bout de 3 secondes. Vous étiez coutumier aussi de menaces à l'adversaire, comme celle assez célèbre proférée à l'oreille de Paul Gascoigne dans ce fameux match où vous lui écrasez les couilles avec la main. Je m'appelle Vinnie Jones, je suis un gitan, je gagne beaucoup de fric et je vais t'arracher l'oreille avec les dents puis tout recracher dans l'herbe. Tu es tout seul, mon gros, tout seul avec moi. Une petite précision pour commencer. Ma carrière internationale était une magouille. Je suis un anglais pur souche. Le sélectionneur du Pays de Galles de l'époque m'avait inventé de lointains ancêtres gallois. Donc voilà, c'était pour préciser. Pour répondre à ta question, l'idée mise en œuvre dans mon jeu, c'était de créer la peur chez l'adversaire et remporter ce qu'on appelle la guerre psychologique. Et que de cette victoire, sur le terrain, naisse un électrochoc populaire plus vaste. À l'époque, je m'imaginais que seule la folie permettait d'échapper à l'enfermement sociétal. Mon documentaire « Soccer's Hard Men », condamné à sa sortie pour faire l'apologie de la violence sur le terrain, était en réalité mon petit livre rouge. Vous vous êtes servi de cette image pour réussir une reconversion dans le cinéma, avec des rôles de dur à cuire, de brutes sanguinaires. Vous savez, je suis un homme authentique, humain trop humain, psychotique, mais avec le cœur sur la main. Je suis drôle et tragique à la fois. Je suis l'incarnation même de ce grand corps socialement malade qu'est l'Angleterre. Je suis ce qu'on pourrait dire un double freudien, de démons et de saints. Cette aura de démons et de saints me confère un charisme indéniable. Ne va pas croire que ça me rendait pas triste de passer pour une bête sauvage. Mais il fallait que je survive à la misère sociale et à l'alcoolisme. Le cinéma m'a sauvé quand j'ai basculé dans son addiction à la célébrité. Je sais qu'au final, je suis devenu une sorte de social traître, laissant derrière moi le football et la révolution, et qu'en incorporant l'industrie du cinéma, j'ai rejoint le camp des exploiteurs voyous. Mais cela résumera sans doute toute ma vie, victime de mauvais choix qui ne peut revenir en arrière. Une dernière question sur la Californie, justement. Vous êtes passé du Crazy Gang de l'équipe de Wimbledon FC, dont vous étiez le Cade, à l'Hollywood Football Club aujourd'hui. À la grande époque, le jeu de votre meute de bêtes enragées et avinées était de terroriser et agresser ses adversaires. Est-ce que vous essayez d'inculquer cette philosophie de guerre à cette équipe de stars américaines New Age aujourd'hui ? C'est la Californie, mon ami. C'est la fin de l'histoire. Le pays de rêve où l'on surfe sur la vague. Laisse-moi t'expliquer. Aux USA, le football n'est que du soccer, une forme de contre-culture. Il n'est pas populaire et religieux comme il peut l'être en Grande-Bretagne. Le soccer vit autant à travers l'expression identitaire d'un communautarisme hispano qu'à travers un espoir néolibéral de devenir à la mode. Quant à la violence dans le sport, elle n'est pas subversive aux USA. Elle participe à une déviance de la séduction. Elle n'est que spectacle naniste. Tu ne peux pas être abject pour dénoncer l'horreur du monde ici, ça ne marche pas ainsi. Pour un immigré comme moi, il faut soit partir, soit laisser tomber. Et tu sais ce que j'ai choisi. Le Hollywood FC est tout le contraire des mondes des clubs des cités ouvrières anglaises. Le Hollywood FC, c'est une équipe de gens de la haute, marketée par une volonté de fun et de cool, autant artistique que capitaliste. Et je m'inscris dans ce programme avec mon plan de carrière renégat. Mais j'ai aussi cette passion dévorante et dérangée du football. Je voulais la revivre, mais j'aspirais à un vécu non nostalgique, quelque chose de plus libertaire, quelque chose de plus baroque, quelque chose de plus cool. Mais je reste à jamais un foutu enfoiré d'Anglish. Mais pas un de ces personnages shakespeariens, tu vois, juste un personnage humain. Merci pour tout. Vinnie Jones. Just be Chris on his way. He should be here any minute. I think you're making a big mistake, Harry. That is a lot of money for Chris to be running after. Who the fuck are you to question my judgment? What do you know about Big Chris, eh? You put Big Chris on a job and he will get it done no matter what. Merci Coach Luc pour cette merveilleuse interview de Vinnie Jones. Merci pour nous avoir fait découvrir ce personnage. Oui, Jérôme, vous en avez pensé quoi de ce Vinnie Jones ? Moi, j'ai eu l'impression que Joe Barton avait mangé Baudrillard. C'était pas mal, hein ? Ouais, c'était très fort. C'était ouais, j'aime beaucoup. C'était pas mal du tout. C'est des bâtons d'Anguille Roux, spécial foot bâtard avec Jérôme Bertin comme invité. Jérôme, j'aimerais bien, pour conclure cette émission, vous entendre une dernière fois lire un extrait de Retour de bâtard, publié chez Aldant ce début d'année 2016. Ça va. Je parlais de foot. Camille m'a dit de réécrire un truc sur le foot, un truc rigolo. Je me suis dit, les gens vont se lasser, ils vont parler, j'ai déjà donné. Puis je me suis dit que je m'en battais les steaks. Suarez est le meilleur. Ce qui m'étonne le plus, c'est sa précision. L'Uruguayen possède une frappe de balle chirurgicale, explosive. Les gardiens peuvent bien prier comme des lopes, ils finissent toujours par se pisser dessus. Amen. J'apprécie particulièrement le goût de Luis pour le sang d'Italien et son sens du but. C'est un filou, un vrai démon. Voir la seconde main de Dieu face au Ghanéen lors de la Coupe du Monde 2010. J'aime tout, sa carrure de sanglier furieux, sa parure de classe et de talent. You'll never beat alone. Il y en a tellement des prétendants au titre de meilleur attaquant. Son prédécesseur à Liverpool, Torres, ne manquait pas de classe. C'était une espèce de toréador, filiforme et blond comme les blés, étonnant pour un Espagnol, plus chat que sanglier. Toutefois, la maison Red a vendu El Niño à cet ange de Chelsea, je n'ai pas rien d'Eden Hazard en cas de guerre éclair, et malheureusement, depuis, le félidé ne court plus avec le même allant, avec la même souplesse. Sa magie s'est perdue. Mais comme c'était bien. Diego Costa, je passe, c'est vraiment pas mon style, une sale tête de Mexicain lourd et hargneux. C'est ce qu'on appelle un buteur opportuniste, un renard des surfaces, comme Trezeguet. Ce profil d'offensif me laisse froid. Les connaisseurs m'en voudront, Oïs enculé. Concernant l'inévitable Cabenzui, je suis partagé entre amour et raison. Je le trouve disponible et vaillant quand je suis avec Pedro, mon petit frère, dont le Meringue est le héros. C'est un mec fidèle, ça remonte à Lyon, c'est dire. Plutôt lourd et désinvolte quand je suis en compagnie de Nanette, qui de toute façon ne serait pas capable de discerner une équipe de l'autre. Luis, pourquoi t'es-tu exilé au Barça? Ce Barça que j'ai littéralement adoré et qui me surgonfle parfois. Jouer avec Messi, l'autiste et les coupes de Neymar, quel ennui. Pour ce qui est de Gignac, il est sous-estimé. L'attaquant de l'OM a une vraie puissance, une réelle capacité d'accélération. Il sait aussi se montrer opportuniste et possède une puissante frappe de balle. Hier soir, au Vélodrome, il m'a emballé, même s'il n'a pas marqué. Silence. On a baisé les salades niçoises 4-0. Bien sûr que j'en passe. Eto, l'insupportable félin, Villa, Ibrahimovic, il aime sa banque, Von Persie, Rooney, pensait tout de même à sa bicyclette contre City, Drogba, dont seules les grandes poches dépassent le bon cœur, Oïs, fallait re-signer à Marseille. Mais actuellement, Suarez est indubitablement le meilleur. Merci beaucoup Jérôme Bertin, c'était Merci. Un très grand plaisir de Je peux vous faire avoir. Comme les gars un peu beaufs qui passent que deux fois à la radio par an et faire une dédicace. Bien sûr, je vous en prie. Bah, je voulais embrasser Camille, maman, Pierre, Nanette, papa, etc., Luis Suarez et puis ma petite amie Angelica, machin. Non, comment elle s'appelle Angelina... une bombe hollywoodienne. Angelina Jolie, voilà, ouais. J'ai des problèmes avec On ça. L'embrasse aussi. Voilà, alors. Je l'embrasse, putain, je l'embrasse. Je vous remercie, Jérôme, c'était vraiment, comme je le disais juste avant, un vrai plaisir de C'est un plaisir, Manu, avoir, merci à toi et merci à, enfin, à tes chroniqueurs qui sont vraiment doués. Ouais, on remercie évidemment le docteur et le coach qui nous ont fait de beaux cadeaux malgré leur absence en studio. Ils ont vraiment bien fait leur boulot. Merci. On rappelle votre ouvrage « Retour de bâtard » aux éditions Aldante, des éditions marseillaises, un livre marseillais. Et une dernière question, Jérôme, finalement, vous qui êtes finalement un optimiste, ouais. Qu'est-ce que vous espérez pour le foot de demain ? Pour le foot de demain, j'aimerais que le peuple le récupère et j'aimerais qu'on parle plus du football amateur et j'aimerais qu'on arrête de croire que le football se résume aux 20 bagnoles de Ronaldo. Merci Jérôme. Merci à toi, Manu. Et à une prochaine. Merci. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que vous pouvez réécouter nos émissions à partir de notre Facebook, Débattons d'Anguirou. Très prochainement, l'émission Foot Bâtard, bien sûr, mais aussi la précédente Foot et Poil, avec l'anthropologue Christian Bromberger, qui est passé sur les ondes de Radio Grenouille dimanche dernier. Et je remercie moi-même encore une fois tous les membres du dispositif Débattons d'Anguirou. On se retrouve dans 15 jours sur les mêmes antennes 88.4 Radio Galère pour notre colloque sur le cyclisme. On vous en dira magnifique, prochainement. J'ai des cyclistes, je le dis, je viendrai à cette émission. Et on se quitte avec Tricky, mon cher Jérôme, puisque Génial. Tricky, vous en parlez beaucoup dans Retour de bâtard. Il est beau. Bonne nuit à tous et à bientôt. Cut of me. when you're sitting all alone in the middle of the floor. There's something uncontrollable. You sit there watching the door. Come to me, come to me. Already feeling tied to your bedside. Slap your thigh, slap your cough. Sing your mantra, leave your walk. Come to me, come to me. Something fits along my spine. Just keep on loving from behind. Fortify my arms. Fortify my arms. Come in. Just give him love from behind.